Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e numéro de cette deuxième saison de À la rencontre d'auteurs. Souvenez-vous, le mois dernier, j'avais reçu par téléphone Thomas Piette qui était là pour nous parler de son ouvrage édité aux éditions Kiwi Roman intitulé Le diable est un mec bien. Et donc aujourd'hui, pour ce 8e numéro de cette nouvelle saison, je reçois par téléphone à nouveau une romancière, Marianne Clojanson, qui est là pour nous parler de son ouvrage édité cette fois-ci chez les éditions Libre de Lire, ouvrage intitulé Mélodie sans parole. Donc bonjour Marianne. Bonjour Christopher. Comment ça va ? Très bien et vous ? Ça va bien, merci. Donc avant de commencer à parler de votre ouvrage Mélodie sans parole, je pose toujours cette même question à mes invités, et ce, quelle que soit l'émission, afin que nos auditeurs et nos auditrices puissent déjà vous connaître un petit peu. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Eh bien, je suis Marianne Clojanson, je suis auteure, publiée par la maison d'édition Libre de Lire. J'ai à mon actif deux ouvrages qui sont Un chant de coquelicot et Mélodie sans parole. J'ai aussi contribué à l'ouvrage Évasion, dont les bénéfices sont versés à l'association Le Rire Médecin. Et je suis aussi auto-éditée avec un livre pour enfants qui s'intitule Des chaussures à paillettes. Je suis âgée de 49 ans, je suis mariée, mère de deux enfants de 8 et 10 ans. D'accord. Et donc, avant de parler de votre ouvrage, donc je tenais à rappeler à nos auditrices et nos auditeurs, et à vous, Marianne, la nouveauté qui n'est désormais plus si nouvelle que j'ai mis en place il y a plusieurs mois maintenant. Dans mon émission À la rencontre d'auteurs, j'ai pris la décision d'instaurer un joker. Le principe de ce joker est très simple. Si je pose une question qui, selon vous, pourrait un peu trop spoiler l'intrigue de votre ouvrage, vous pourrez utiliser ce joker. Mais attention, petite subtilité, vous ne pouvez utiliser ce joker qu'une seule fois. Donc choisissez le bon moment. Mais promis, il n'y aura pas de question piège. D'accord. Voilà. Donc commençons donc à parler de votre ouvrage Mélodie sans parole. Donc tout d'abord, comme l'ouvrage du mois dernier, votre ouvrage Mélodie sans parole, ce n'est pas un ouvrage auto-édité, comme vous l'avez dit, c'est un ouvrage édité dans une maison d'édition du nom de Libre de Lire, avec le chiffre 2 au lieu du petit mot 2, donc D-E. Donc c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Ok. C'est un éditeur qui se situe à Carcassonne. Voilà. Comment avez-vous trouvé cette maison d'édition ? Est-ce qu'on vous en a parlé ou est-ce que vous avez fait vos recherches vous-même ? Alors, lorsque j'avais écrit mon premier roman, Un chant de coquelicot, j'avais envoyé ce roman à une quarantaine d'éditeurs pendant 6 mois à peu près. Et à chaque fois, on me disait non, sans me dire pourquoi, sans m'en dire plus. Donc, j'ai été encouragée par mon mari et par l'ami qui me l'avait bêta lu. Et qui m'ont dit, écoute, si tu n'y arrives pas par cette porte-là, essaye l'auto-édition. Je n'étais pas très chaude parce que je n'y connais absolument rien en auto-édition. Donc je me suis inscrite sur le site des jeunes écrivains sur lequel j'ai trouvé un tas d'informations qui me permettraient d'auto-éditer mon livre. Et en même temps, je regardais dans la rubrique maison d'édition, j'ai trouvé un appel à texte. Cette maison d'édition Libre de Lire qui était toute jeune d'un an et cherchait des auteurs pour étoffer son catalogue. Donc comme il n'y avait pas vraiment de ligne éditoriale, le seul mot d'ordre c'était que le livre donne envie au lecteur de tourner la page, j'ai dit bon ben advienne que pourra, c'est ma dernière bouteille à la mer et ensuite si on me dit non, je passerai à l'auto-édition. 15 jours après, j'ai eu la très bonne surprise de recevoir un coup de fil du directeur qui m'a dit « Votre roman a été retenu, on vous publie. » D'accord. Et donc, la couverture de l'ouvrage dont nous parlerons juste après, est-ce qu'elle a été réalisée en partenariat avec la maison d'édition ou est-ce que c'est vous qui l'avez réalisée puis soumise à la maison d'édition ? Alors, pour un chant de coquelicot, on m'a proposé une photo que j'ai accepté, ils l'ont travaillé. Et ensuite, pour Mélodie sans parole, ils m'ont dit, est-ce que tu as une photo à nous proposer ? Sinon, on va chercher, nous, dans la base de données d'images libres de droit. Et j'ai trouvé cette image parce que quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est Anatole, c'est le personnage principal de mon roman. Tout à fait. Voilà. Donc, ils m'avaient proposé un site sur lequel je pouvais trouver des photos libres de droit. J'avais écrit « musicien » comme mot titre. Et ils m'ont sorti un tas de photos, de concerts, de choses comme ça, ce qui ne me convenait pas du tout. Bon, j'ai quand même continué à feuilleter, à regarder toutes les pages. Et je suis tombée sur cette image qui représente donc Anatole, qui est un homme qui est dans la nature avec une guitare en train de regarder une ville la nuit. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai l'ouvrage sous les yeux et voilà, c'est tout à fait ça. Donc du coup, j'allais proposer, du coup, comme je le fais à chaque fois, de décrire la couverture, mais bon, vous venez de le faire, donc voilà, ça me facilite le boulot. Voilà. Donc du coup, on va passer directement à la question suivante. Comment cette envie de vous lancer dans le monde de l'écriture est-elle arrivée, du coup, depuis votre premier ouvrage? Oh là là, ça date de bien avant mon premier roman. Déjà, j'étais adolescente, j'écrivais de la poésie. C'est un format qui est très rapide à écrire. J'écris des poèmes en une journée. Et lorsque j'ai eu une vingtaine d'années, j'avais envie de m'attaquer à quelque chose d'un peu plus, d'un petit peu plus coriace. Et j'ai eu envie d'écrire un roman. Sauf qu'à l'âge de 20 ans, je n'avais pas la méthodologie, je n'avais pas non plus la matière, je n'avais pas le sujet, je n'avais pas le temps non plus pour écrire. Donc j'ai écrit 6 romans comme ça qui n'ont jamais abouti, 4 qui ont carrément été tués dans l'œuf et 2 que j'ai terminés sans vraiment en être satisfaite. Donc j'ai pas baissé les bras, j'ai continué à écrire pour le plaisir. C'était en 2017, Bernard Werber, qui est mon auteur préféré, est venu animer une masterclass à côté de chez moi. Donc j'ai passé la soirée à apprendre à écrire, vraiment. J'ai suivi tous ses conseils et je les ai mis en application pour écrire mon premier roman. Et c'est comme ça que grâce à lui, j'ai réussi à aboutir à quelque chose dont j'étais satisfaite. D'accord. Comme j'ai toujours envie d'écrire, je continue. Je me suis dit, bon, ben, cette histoire à Chant de Coquelicot est terminée. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose, d'une aventure très sentimentale, très fleur bleue. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus soutenu, avec un peu plus de suspense. D'accord. Et donc, c'est de là, du coup, qu'est né votre ouvrage, du coup, Mélodie sans parole. Tout à fait. Voilà. Ensuite, donc, comme vous avez décrit la première de couverture, ensuite, quand nous retournons le livre, nous avons la quatrième de couverture dans laquelle nous retrouvons les mêmes couleurs que sur la première de couverture, un petit peu, on va dire, violet, orange, bleu nuit, mais en plus éclairé, en plus lumineux, je trouve. Il y a le résumé écrit en blanc, nous retrouvons donc les couleurs de la première de couverture. En bas, nous avons les mentions obligatoires pour être en règle pour la vente, donc le code barre, le code ISBN à gauche, le logo de la maison d'édition avec le nom de la maison d'édition écrit en toutes lettres, le prix de l'ouvrage et le site internet de la maison d'édition. Et je précise bien sûr, si jamais certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs se posent la question, pour être en règle, il n'y a pas l'obligation d'avoir un site internet, ni même d'avoir le nom de la maison d'édition écrit en toutes lettres, juste le code barre et le prix. Ensuite, tout dépend bien sûr du coup de la volonté de chaque maison d'édition. Donc, est-ce que vous me permettez de lire le résumé afin de déjà mettre les auditrices et les auditeurs dans le bain? Avec plaisir. Très bien. Alors le résumé dit, je cite, « Les All One forment un groupe de musique qui fait fureur auprès des adolescentes. Au cours d'une tournée durant l'été 1982, Agnès, une prostituée qui a tiré sur l'homme de main de son proxénète, se joint au staff du groupe pour s'y cacher. Sur fond de l'envers du décor du show business, s'engage alors une course-poursuite où plusieurs destins vont se croiser. Une tribu manouche, une jeune groupie, un flic ripou, 2 enfants portant le même prénom et une bande de tueurs. Entre histoire d'amour, secret et rebondissement, Agnès parviendra-t-elle à échapper à son funeste destin et récupérer son enfant? Donc point d'interrogation, Anatole, le leader des All One, réussira-t-il à faire la paix avec son passé, trouver l'amour et l'inspiration nécessaires pour composer les paroles de cette mélodie qui devait se suffire à elle-même? Donc fin de... Ah non. Ensuite, en dessous, il y a un roman à multiples facettes, aussi touchant que palpitant, où l'amour et la musique sont de véritables personnages. Fin de citation. Ensuite, en dessous, nous avons votre biographie. Est-ce que vous m'autorisez à la lire également, votre biographie? Bien sûr. Ok, donc originaire de la région parisienne, Marianne Clojanson a grandi en Provence. Passionnée de musique, qu'elle témoigne voir en couleur, en forme et en mouvement, elle embrasse la carrière d'animatrice en danse durant 13 ans. Devenue maman à plein temps, elle se tourne vers son autre passion, la littérature. Cette amoureuse des arts, sous toutes ses formes, aime entraîner ses lecteurs dans son univers empreint de fantaisie et de rêve. Donc fin de citation. Donc, nous comprenons au travers de ce résumé que nous allons suivre les aventures et les destins de plusieurs personnages venus de milieux différents et que ce roman traitera de plusieurs objectifs différents pour plusieurs personnages. Mais quand vous avez écrit cet ouvrage, était-ce ce résumé que vous aviez en tête ou du moins quelque chose qui y ressemble ? Oui, je ne peux pas me lancer dans l'écriture d'un roman sans avoir le plan. D'accord. En fait, lorsque j'avais une vingtaine d'années, mes premiers romans, il y avait une chose que j'ignorais. Il existe en fait deux types de romanciers. Ce sont les scripturaux et les structuraux. Les scripturaux, ce sont les personnes qui sont capables d'écrire sans avoir d'idées en tête. Ils savent, ils écrivent et peu à peu, un schéma se forme. Moi, quand j'écris comme ça, je ne sais pas où je vais, et je ne sais pas où je vais atterrir et je ne sais même pas de quoi je parle. Donc moi, j'ai besoin de faire un plan. Je suis ce qu'on appelle aussi un architecte. Donc moi, j'écris toujours un plan. Quand j'écris un roman, je sais comment je dois présenter mon héros, quel va être le point qui va faire sortir le héros de sa zone de confort, les aventures qui vont s'en suivre, et ensuite le point final. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je fais très attention quand je veux écrire un roman. Sinon, à mon sens, le roman manque d'intérêt. Mais ça, c'est en ce qui concerne l'écriture, mon écriture. D'accord, c'est un point de vue qui vous est propre, du coup, c'est pas... Voilà, moi je ne discute pas, il y a des gens qui sont capables d'écrire sans faire de plan. Bien sûr. Bravo, mais moi je ne sais pas le faire. Bien sûr, d'accord. Voilà, donc ensuite, au fur et à mesure, en rédigeant un premier jet, les personnages se sont affinés, j'ai rajouté des personnages, j'en ai supprimé d'autres, et j'ai ensuite réussi à avoir ce roman. D'accord. Justement, de quoi et ou de qui vous êtes-vous inspiré pour écrire ce roman ? Alors, j'ai commencé par m'inspirer des groupes de musiciens que j'aimais bien dans les années 80. Le roman Mélodie sans paroles se déroule durant les années 80, donc je me suis inspiré de Michael Jackson, d'Indochine. Je me suis aussi inspiré des Beatles, je me suis inspiré d'un tas de groupes dont j'ai entendu des anecdotes. Soit à l'époque, parce que j'étais adolescente, je lisais le magazine OK et j'avais des choses qui m'étaient restées en tête, soit des choses sur des reportages que j'ai vus récemment qui parlaient justement de ces groupes quand ils partaient en tournée et de toutes ces histoires hallucinantes qui pouvaient leur arriver. Donc en partie, on peut dire que ce livre est une histoire vraie, même si en fait les personnages ont été complètement inventés. D'accord. D'accord. Donc, avant de poursuivre et d'entrer directement dans l'ouvrage, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une première pause musicale que vous avez choisie. Nous allons écouter le groupe de rock OK Go avec leur titre All Together Now, pour donner un petit peu les références comme j'aime bien le faire. Cette chanson, c'est donc typé rock. Elle est sortie en 2020 pendant la période du confinement, me semble-t-il. Mm-hmm. Et le clip que l'on peut trouver facilement sur Internet est un clip fait en sorte de visioconférence, comme nous avons souvent pu le voir lors de cette période, d'où le titre du morceau que l'on pourrait traduire en français par Tous Ensemble Maintenant. Donc on écoute ce titre de OK Go et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. À tout de suite. It's all still the same. Everything's untouched but forever changed. Oh, we're all untouched but forever changed. Now all together now, all together alone in the chrysalis. All together now, all together now, all together alone in the chrysalis. All together now, all together now, all together alone in the chrysalis. All together now, all together now, all together alone in the chrysalis. We're all together now, all together now, all together alone in the chrysalis. All together now, all together now, all together alone in the chrysalis. We're all together now, all together now, all together alone in the chrysalis. All together now, we're all together alone. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter All Together Now de OK Go et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Marianne Clojanson qui est là pour nous parler de son ouvrage Mélodie sans parole. Ça va toujours ? Très bien. Parfait. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués, j'aime beaucoup poser cette question, pourquoi avoir choisi d'écouter cette chanson ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Bien déjà, c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'ai découvert ce groupe sur Internet, un peu par hasard, et j'ai été à la fois stupéfiée par la beauté de la musique et par l'originalité du clip. Alors c'était pas avec ce groupe-là, avec cette musique-là que je les ai découverts, mais en fait, ils ont l'habitude de faire des clips avec une seule prise. Alors, ça n'a pas été le cas pour cette chanson-là, parce que, comme on le voit dans le clip, ils sont chacun chez eux confinés, et ils se sont amusés donc à s'enregistrer avec les moyens du bord et à créer une chanson que je trouve très jolie. Et enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je la trouve vraiment très jolie, très agréable à entendre. Le chanteur a une voix magnifique, et j'avais vraiment envie de faire partager ce groupe méconnu en France. Oui, et du coup, pour vous répondre, je trouve également que cette chanson est très, très jolie à écouter. Voilà. Donc, comme annoncé avant cette pause musicale, entrons directement dans le vif du sujet, votre ouvrage « Mélodie sans parole ». Donc, tout d'abord, nous le comprenons un petit peu en lisant le résumé sur la quatrième de couverture, mais peut-être que vous pouvez développer un petit peu, pourquoi pas. Pourquoi avoir pris la décision d'intituler votre ouvrage « Mélodie sans parole » ? Eh bien, tout le long de cet ouvrage, Anatole, le compositeur du groupe All One, est en train d'écrire son nouvel album et il a une musique à laquelle il n'arrive pas à trouver les paroles. Et j'avais envie donc de le garder comme un fil conducteur. Donc c'est un peu le moment où il trouve les paroles, bon je ne vais pas spoiler non plus, ça arrive bien évidemment à la fin, et oui. Après le climax, après la scène la plus angoissante qu'il aura à vivre au fil de cette aventure. Mmh. Et parce qu'il aura vécu ça, il va comprendre quelque chose qu'il n'avait pas encore compris, et c'est ce qui va lui permettre de trouver les paroles de cette chanson. D'accord. Oui, donc oui. Voilà, c'est vrai que quand j'ai lu cet ouvrage, je me demandais si Anatole justement allait trouver un jour les paroles du coup de cette mélodie, parce qu'il est surtout un petit peu poussé par Sigismond qui insiste pour avoir des paroles sur cette mélodie. Donc voilà, c'est vrai que c'est tout. Sigismond, c'est le producteur des All One. Tout à fait. C'est lui qui dirige leur carrière, il fait tout pour eux. Il est très présent au sein du groupe. C'est le sixième All One d'ailleurs, je l'appelle. Les All One, ils sont cinq musiciens, et Sigismond est le sixième All One, celui de l'ombre. Tout à fait. Voilà. Et donc, ensuite, quand nous ouvrons votre ouvrage, nous avons les pages de présentation présentes dans tous les romans, puis nous avons une dédicace qui dit « À Roger Bontemps, merci de m'avoir transmis ce goût pour la littérature, repose en paix », donc fin de citation, qui est Roger Bontemps, dont on salue la mémoire. Mon parrain, celui qui m'a élevé. D'accord. J'ai été placé dans une famille d'accueil. D'accord. Depuis l'âge de 6 mois. Et donc, ce monsieur qui m'a vraiment donné le goût de la littérature, avec qui on se prêtait les livres, parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes goûts. Lui, il adore le polar. Mm-hmm. Moi, je préfère les histoires d'amour. Et j'ai commencé à écrire ce livre juste après avoir achevé d'écrire Les Coquelicots. Et il m'avait prêté pas mal de livres, de livres noirs. Il adore, et je me suis dit, tiens, moi j'aime, j'ai envie d'écrire un truc comme ça parce que je sais que ça lui plaît. Et malheureusement, ce monsieur a fait un AVC au moment où j'ai commencé à publier mon premier roman. D'accord. Donc ça a gâché vraiment le début de ma publication. Et ce monsieur est décédé au moment où j'ai envoyé le récit à mon éditeur. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est ça. Il a jamais vu le livre. Il sait qu'il existe, mais il n'aura jamais pu le voir. D'accord. Très bien. Oui, c'était la petite séquence émotion, mais voilà. Ici à Radio Guémozo, on est là pour dans la joie, la bonne humeur, et donc on va poursuivre cette émission parce que voilà. Ensuite, nous avons une première citation de la violoncelliste française Astrid Cyranocian, j'espère que je prononce bien, qui dit, je cite, « La musique a toujours été un moyen de survie qui a toujours réussi à passer les frontières et les massacres. Et comme il y a beaucoup d'édifices culturels qui ont été détruits avec le temps, la musique est un patrimoine culturel qu'il est difficile de détruire. » Fin de citation. Donc, pourquoi avoir décidé de commencer votre ouvrage par une citation d'Astrid Cyranocian ? J'ai entendu cette citation au moment où mon éditeur m'a dit « On te publie ton livre, il venait de le façonner, de le passer à la correction, il m'avait envoyé mon premier BAT. » Et à ce moment-là, j'ai entendu cette citation à la radio. Et j'ai dit « Mais c'est exactement ce qui explique l'essence de la musique que joue les Olwan dans mon roman. » D'accord. Donc j'ai décidé de la mettre en même temps que cette dédicace à mon parrain. Ensuite, du coup, après cette citation, il y a les remerciements du coup, que vous faites dès le début de l'ouvrage. Et après ces remerciements, il y a quelque chose que j'ai trouvé plutôt sympathique pour déjà connaître un petit peu vos personnages. Vous avez mis une fiche personnage dans laquelle vous nous expliquez qui est qui. Donc était-ce, du coup, d'avoir mis cette fiche personnage dès le début, était-ce pour une meilleure compréhension de l'histoire ? Oui. Parce que lorsque j'ai envoyé ce livre à mes bêta lecteurs, une partie me disait « je ne sais pas qui est qui ». D'accord. D'autres m'ont dit « il n'y a pas de souci, c'est très clair, on sait qui est qui ». D'accord. Et je m'étais amusée en fait à envoyer à une partie avec la fiche personnage et d'autres sans la fiche personnage. Mais avec la fiche personnage ou sans la fiche personnage, mes bêta lecteurs me disaient « oui et non à moitié-moitié ». Donc j'ai dit, bon, alors il y a des gens qui aiment avoir des fiches personnages, autant je vais leur faciliter le travail, je leur mets juste les prénoms et leur lien de parenté, comme ça on voit un peu qui est qui dans l'histoire. D'accord, donc pour savoir, oui, du coup, comme vous le dites. Pour, oui, parce que c'est quand même un roman où on compte une trentaine de personnages. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ça peut faire peur au début. C'est vrai. Je viens de taper le micro, c'est pas grave. Ensuite, dès le chapitre 1, nous comprenons le titre de votre ouvrage, oui et non. Mais après, pourquoi avoir pris la décision d'expliquer le titre plus ou moins dès le premier chapitre ? C'est-à-dire ? Je ne sais plus ce que ça fait. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai... le premier chapitre, en fait, c'est une lettre. Ça, le prologue, une lettre. Oui, le prologue, pardon. Oui, ça y est, je regarde le livre en même temps. Oui, le prologue. En fait, j'avais envie de rentrer directement dans le vif du sujet. D'accord. Voilà, dès le premier sujet, dès le premier chapitre, on apprend qu'il y a une mélodie dans laquelle il n'y a pas de parole. Mm-hmm. Voilà. Et donc, j'ai dit, voilà, ce sera mon fil conducteur. Et ce sera là ce qui va donc donner envie au lecteur ou pas de continuer le livre. D'accord. Ensuite, nous remarquons que les chapitres sont courts, voire très courts. Donc, pourquoi avoir fait ce choix ? Eh bien, parce qu'il y a en fait 6 histoires qui sont entremêlées les unes dans les autres, mm-hmm. avec tous ces personnages différents qui vont donc se rencontrer, qui se connaissent déjà ou qui vont se rencontrer au fil des pages. Donc, c'était pour permettre au lecteur de vite rentrer dans le vif du sujet, mais aussi de savoir quel est l'enjeu de chaque personnage dès le départ. De plus, je sais que beaucoup de gens aiment lire dans le trajet qui les mène à leur travail, quand ils sont dans le bus, quand ils sont dans le train, ou alors ils ont une petite heure pour manger entre midi et deux, donc des fois, ils n'ont pas toujours le temps de lire un chapitre avec une vingtaine de pages. Donc, quelquefois, il leur faut un petit peu de temps pour... s'ils ont juste 5 minutes, et ben ça leur suffit pour lire un chapitre. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour eux de voir le livre sous cet angle. D'accord. De plus, chaque chapitre commence avec une date composée de la ville, du jour, du mois, de l'année, ainsi que de l'heure. Donc, quelle était l'intention derrière ce procédé ? Alors, c'était pour permettre au lecteur de se repérer dans le temps et dans l'espace. Alors, ce qui se passe, c'est que mes musiciens, les All One, partent en tournée promotionnelle autour de la France. Et les lecteurs vont découvrir chaque région française en même temps que mes musiciens. Donc, lorsqu'on n'est pas à Paris, on sait qu'on est avec les musiciens. Pourquoi je parle de Paris ? Parce qu'à Paris, il y a cette bande de tueurs qui est secondée par des policiers ripoux. En fait, le début de l'histoire, c'est que Agnès a tiré sur l'homme de main de son proxénète. Mmh. Donc les proxénètes sont à Paris, ils recherchent Agnès à Paris, ils ignorent qu'elle est partie avec le groupe. Et donc, ils mènent leur recherche à Paris. Donc, quand on sait qu'on est à Paris, on sait qu'on est avec les policiers ou avec la bande de tueurs. D'accord. Donc là aussi, du coup, pour une meilleure compréhension du coup de l'histoire. Voilà, tout à fait. J'essaye d'aider au maximum le lecteur pour qu'il ne soit pas perdu dans mon imagination. D'accord. Ensuite, dans les premiers chapitres, nous comprenons que même s'ils ont beaucoup de succès, donc les All One, donc c'est le groupe de musique, ne sont pas forcément heureux en dehors de la scène. Enfin, je pense surtout au personnage d'Anatole / Petro, parce qu'il a deux noms. Il faut lire l'ouvrage pour savoir pourquoi il a deux noms. Donc, pourquoi cette volonté de d'avoir créé des personnages qui apparaissent heureux sur scène, mais finalement, en coulisses, qui ne sont pas du tout heureux? Eh bien, je pense que on nous vend, nous en tant qu'auditeurs qui écoutons de la musique, on nous vend du rêve avec ces musiciens qui font des très jolies chansons, qui nous font danser, qui nous donnent envie de nous trémousser. Et je ne sais pas si ces gens sont réellement heureux dans leur vie. On nous parle toujours de leur bonheur, on nous parle aussi de leur malheur, bien sûr, ça c'est les gros titres de certains journaux. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on sait réellement d'eux ? Rien du tout. On ne voit que la face cachée de l'iceberg. Donc j'avais envie de montrer justement les deux côtés, le côté pile et le côté face. D'accord. Et pour montrer que tout n'est jamais rose ou tout n'est jamais noir, qui est toujours nuancé. D'accord. Ensuite, dans le chapitre 3, un nouveau personnage apparaît, le personnage de Brune. Donc il s'agit de la groupie du groupe, la fan numéro 1 des All One. Oui. Et bien qu'elle ne soit qu'adolescente, elle s'imagine déjà dans les bras de Benoît, donc le chanteur des All One. Donc pourquoi vouliez-vous que le personnage de la groupie, de plus une adolescente, soit présente dans le roman ? Parce que moi-même, lorsque j'étais adolescente, je me rêvais dans les bras de mon chanteur préféré. D'accord. C'est un peu un fantasme que j'ai fait devenir réalité dans ce livre. D'accord. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous remarquons que les chapitres, comme vous l'avez dit, on suit plusieurs histoires en même temps, donc que les chapitres ne se suivent pas vraiment. Certes, il y a toujours cet ordre chronologique dont nous parlions un peu plus tôt, avec du coup la date, l'heure, etc. Mais chaque chapitre traite un aspect différent de l'histoire avec des personnages différents. Par exemple, nous pouvons passer d'un passage avec le personnage de Marie-Clémence à un passage avec le personnage de Monsieur S. Donc j'imagine que c'est un choix volontaire de votre part, donc oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, étant donné que Marie-Clémence est la petite amie d'un des musiciens, c'est de David, le batteur du groupe. Donc Marie-Clémence, elle est institutrice et son compagnon, lui, c'est une célébrité qui habite à Paris, ils vivent chacun séparément. Et donc j'avais envie de parler aussi de ces couples qui vivent séparés à cause de la célébrité. Mmh. Et donc du coup, quand j'ai cité le nom de Monsieur S, c'est le grand antagoniste de l'histoire. Le grand méchant de l'histoire, oui, c'est le proxénète. Voilà. Donc, qui détient Agnès et qui fait tout pour la garder et qui veut absolument la récupérer depuis qu'elle a fait. Tout à fait. Ensuite, ce roman est quand même assez dur dans la lecture, pas qu'il soit difficile à lire, mais plutôt assez pesant dans l'ambiance dans laquelle se déroule l'intrigue, dans la façon dont sont traités certains personnages aussi. Donc pourquoi avoir fait ce choix de mettre une grande tension dans votre ouvrage ? J'avais envie de parler de certains sujets. J'avais envie de parler de l'amour sous toutes ses formes. D'accord. Et quand je parle de l'amour, il y a aussi différentes pratiques dans toutes ces formes. J'avais envie de parler de ces femmes qui sont prostituées quelquefois malgré elles et comment pouvoir s'en sortir d'un point de vue psychologique lorsqu'on est sous le joug de ce genre d'homme. D'accord. Ensuite, comme nous le disions, du coup, juste avant, les chapitres ne se suivent pas vraiment, donc c'est plusieurs histoires entremêlées. Donc comment avez-vous fait, comment vous êtes-vous arrangé pour savoir quel chapitre serait à quelle place dans l'ouvrage ? J'ai fait un plan. D'abord, j'ai dit, voilà, donc là, au début, ça va être très calme avec la présentation des personnages. L'élément déclencheur qui va faire que tout bascule, comment les personnages donc vont finir par se rencontrer les uns et les autres, comment leurs histoires vont pouvoir être racontées en duo. Et ensuite, j'ai fait un plan schématique sur une carte de France pour savoir quel serait le trajet parcouru par les musiciens en mettant les dates. Je m'étais amusée à faire une affiche de concert avec toutes les dates dans toutes les villes de France, de manière à pouvoir me repérer chronologiquement et géographiquement. C'est vraiment la structure du plan schématique qui m'a servi de base pour ne pas me perdre. D'accord. D'accord. Ensuite, vous l'avez dit un petit peu plus tôt dans cette émission, me semble-t-il, mais votre roman se passe du coup dans les années 80. Donc oui. Pourquoi, c'est même dit dans le résumé, pourquoi avoir choisi cette période des années 80 ? C'était les premières radios libres. Le président Mitterrand a été élu en 81 et il a accepté, c'est quand même grâce à lui que les premières radios libres ont vu le jour et ça a été une période de mon adolescence qui a été pour moi quelque chose de fabuleux parce que je suis quelqu'un qui adore la musique et enfin on avait autre chose que les trois chaînes de radio principales qui étaient autorisées en France à cette époque. Enfin on avait des radios qui passaient autre chose que de la musique qu'on entendait tout le temps à la télé. On avait des musiques de boîte de nuit et c'était une nouveauté. Et ça a été pour moi un feu d'artifice dans ma tête pour moi, c'est cette période. Donc je me suis dit voilà, donc on va laisser passer la première année de 81, on va passer à 82. Donc le temps pour les All One de devenir vraiment des grandes célébrités. J'ai essayé de me restituer à cette époque pour me dire voilà d'où vient le succès des All One, il vient de là. D'accord. Ensuite, dans l'état d'ébriété dans lequel se retrouve souvent le personnage d'Anatole, parce qu'il souvent il boit beaucoup, beaucoup plus que de raison. Ouais. Donc justement, cet état dans lequel il se met souvent, est-ce que vous diriez qu'il s'agit de la rançon de la gloire ou est-ce que, d'après vous, cet état dans lequel il se met est là pour cacher toute autre chose, une toute autre facette de sa personnalité ? J'ai envie de dire, c'est un peu les deux, hein. Il cache une facette de sa personnalité à cause de cette rançon de la gloire. Et ça, c'est quelque chose que l'on apprend à la fin. Et oui, qu'on ne va pas dévoiler pour ne pas gâcher la surprise pour les futures lectrices et lecteurs. Ensuite, toute cette force de l'intrigue, tous les états dans lesquels les personnages se retrouvent souvent, est-ce qu'ils sont là pour montrer la difficulté et parfois la noirceur, le côté sombre du show business ? Complètement. Pour moi, j'ai fait ce parallèle entre la prostitution et le métier de chanteur, les célébrités, parce que j'ai l'impression que ces personnes se prostituent. Ils ne se prostituent pas avec leur sexe, mais ils se prostituent avec autre chose. Ils se prostituent avec leur talent. Ils font autre chose que leur métier. Pour moi, je vois que ce soit des chanteurs, des comédiens, ou n'importe quel artiste, quel que soit son talent, il est obligé de faire autre chose que ce qu'il aime faire, pour pouvoir faire sa promotion, pour pouvoir se faire connaître. Et j'ai voulu faire ce parallèle. D'accord. Quelque chose qui m'a marqué, enfin une des nombreuses choses qui m'a marqué dans l'ouvrage, c'est cet énorme contraste entre le chapitre 12 et le chapitre 13, parce que nos auditrices et auditeurs sont habitués, dans mes émissions auteurs, j'essaie toujours de faire un ordre chronologique qui suit l'intrigue en fait. Et du coup, ce contraste dans le chapitre 12, c'est que nous sommes dans un environnement sombre où alcool et sexe coulent à flot, puis dans le chapitre 13, Nous sommes dans un décor joyeux, lumineux, avec deux enfants qui auront un rôle à jouer d'ailleurs. Voilà, je tiens à le dire, au bord d'une rivière. Donc pourquoi avoir voulu mettre en place ce contraste dans deux chapitres qui se suivent? J'avais envie de parler de l'amour enfantin, de cet amour pur d'enfants qui ne connaissent absolument rien aux choses du sexe, qui n'ont absolument aucun a priori, qui aiment les gens de manière simple. Et je voulais les mettre en contraste, les opposer à l'amour physique des adultes. Alors, je ne dis pas que tous les adultes ont ce comportement, il y a des amours très purs chez les adultes, mais quand on voit que ces adultes fréquentent les prostituées et quand on voit tout ce qu'on leur demande de faire, je me dis, voilà, j'avais envie de faire vraiment le jour et la nuit avec ces personnages. D'ailleurs, ces deux enfants du coup, qui auront un rôle à jouer, comme c'est marqué dans le résumé sur la quatrième de couverture, ce sont ces deux enfants qui portent le même prénom. Voilà. Oui. Andrea, tout simplement. Enfin, tout à fait, je voulais dire. Donc, avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une nouvelle pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions l'auteur, compositeur, interprète letton Vitas avec son morceau intitulé Smile avec un point d'exclamation à la fin. Une nouvelle fois, pour donner les quelques références, cette chanson est sortie en 2002. Elle est chantée en russe, me semble-t-il, et elle est issue de l'album éponyme de Vitas, donc album intitulé Smile, sorti en 2002 également. Le titre que nous allons écouter est d'ailleurs le premier morceau de l'album. Donc on écoute ce morceau, du coup, et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. À tout de suite. Улыбнись, если дождь за окном не кончается. Улыбнись, если что-то не получается. Улыбнись, если счастье за тучами спряталось. Улыбнись, если даже душа поцарапалась. Когда все изменится, улыбнись. Дождь пройдет, и земля в снег оденется. Улыбнись, и печаль стороною пройдет. Улыбнись, и тогда душа заживет. Bum, bum, bum. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter Smile de Vitas et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Marianne Clojanson qui est là pour nous parler de son ouvrage Mélodie sans parole. Ça va toujours ? Très bien. Parfait. Donc, même question que pour la première pause musicale, pourquoi avoir choisi d'écouter cette chanson en particulier ? J'adore ce chanteur. Je trouve qu'il a une voix exceptionnelle. Il a une capacité à monter dans les aigus qui est extravagante. Et en fait, cette chanson, c'est son tout premier tube. Il s'est fait connaître en Russie, donc en 2002 avec ce tube. Et ensuite, il a enchaîné avec des musiques donc dans ce style. Il a enchaîné avec des musiques qui sont un petit peu plus variétées. Et il touche à tout. Là, son dernier album, il a chanté du rap, mais d'une manière... Moi, je trouve que ce garçon, c'est comme un extraterrestre. D'accord. Déjà, quand on le regarde habillé, il est assez extravagant dans sa façon d'être. Et j'adore les gens qui sont à part. Mmh. D'accord. Donc nous allons reprendre le cours de cette émission. Donc cette question va peut-être risque peut-être de spoiler un petit peu. Donc si vous ne souhaitez pas y répondre, vous pourrez le dire. Le joker ne sera pas utilisé parce que c'est peut-être moi qui posais cette question un peu trop. On va dire qui en dit un peu trop. Mais une réplique qui revient souvent dans l'ouvrage, c'est Anatole qui dit, je cite, pardonne-moi. Fin de citation. Quelle était l'intention derrière cette répétition, cette réplique qui revient souvent? Eh bien, Anatole a quelque chose à se faire pardonner à Laura. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que l'on découvrira encore à la fin. Donc oui, évidemment, si je réponds, je vais spoiler évidemment. Mais oui, évidemment, Anatole a vraiment quelque chose à se faire pardonner. Il cache un secret terrible, quelque chose d'horrible qu'il a fait à une femme. Et je ne peux pas le dire. Pas de souci. Et donc, justement, le prénom qui revient très souvent, donc le prénom, c'est Laura. Et nous ne savons pas qui est cette Laura, mais on le saura à la fin, comme vous le dites. Mais nous nous doutons bien que c'est une femme qui a eu une grande importance dans la vie d'Anatole. Donc, en essayant de ne pas spoiler, bien sûr, pourquoi avoir pris la décision de mettre en place ce mystère durant quasiment tout l'ouvrage ? Eh bien... Oui. Vous pouvez répéter la question. Bien sûr. Donc, le prénom qui revient souvent, comme vous le dites, c'est Laura. Et nous ne savons pas qui est cette Laura, mais nous nous doutons bien que c'est une femme qui a eu une très grande importance dans la vie d'Anatole. Donc, en essayant de ne pas spoiler, pourquoi avoir pris la décision de mettre en place ce mystère ? Je pense que les lecteurs ont besoin de mystère lorsqu'ils lisent un roman. C'est ce qu'on appelle la petite balle jaune. En fait, c'est l'histoire d'un... Je la tiens de Bernard Werber, il nous avait expliqué ce principe dans l'écriture. Lorsque vous essayez d'intéresser quelqu'un à votre ouvrage, il faut lui donner la petite balle jaune pour qu'il ait envie d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite balle jaune ? C'est, je vous la racontais texto, telle qu'il me l'a raconté lorsqu'il a donné sa masterclass. C'est l'histoire d'un petit garçon qui demande pour ses 10 ans, il demande à son père pour son anniversaire, je veux une petite balle jaune. Son père lui dit, tu préfères pas un vélo ? Il lui dit, non, je veux une petite balle jaune, je t'expliquerai plus tard. Donc le papa offre une petite balle jaune à son fils et il est très content. Lorsqu'il a passé son bac, il lui dit, est-ce que tu veux une voiture ? On va fêter ça. Il dit, non, je ne veux pas d'une voiture, je veux que tu m'offres une petite balle jaune. Et pourquoi ? Et ça continue ainsi de suite, tous les 10 ans, il nous avait raconté, donc lorsqu'il se marie à 30 ans, est-ce que tu veux que je t'offre une maison ? Non, je veux que tu m'offres une petite balle jaune. Lorsqu'il a son premier enfant, est-ce que tu veux que je t'offre ? Et à chaque fois, il dit non, je veux que tu m'offres une petite balle jaune. Et ça se termine comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le père meure, et le père lui dit sur son lit de mort, il lui dit, explique-moi pourquoi tu voulais cette petite balle jaune. Le fils s'apprête à lui dire, et là, le père meurt. Donc, le truc, c'est que le lecteur, lorsqu'il a cette petite balle jaune, il se fait tout un film, il se fait un tas d'idées et il se dit, tiens, mais qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut être. Et à la fin, évidemment, le truc que nous a expliqué Bernard Werber, c'est qu'il faut expliquer, il faut faut donner une raison à cette petite balle jaune. Lui, quand on lui a raconté cette histoire, on ne lui a pas donné la raison. Et ça a été pour lui l'élément déclencheur qui a fait... c'est comme ça qu'il a construit tous ses romans et qu'il a dit, voilà, à chaque fois dans mes romans, j'ai ma petite balle jaune qui va être le fil conducteur et qui va être la tension qui va donner envie au lecteur de connaître la suite de l'histoire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, donc j'ai mis en application sa technique de la petite balle jaune. D'accord. Y a-t-il dans ce roman une certaine opposition des groupes qui ont tous un mode de vie différent? Je m'explique. Par exemple, dans ce roman, on suit les aventures d'une tribu manouche, on suit les aventures du groupe d'Anatole, etc., etc. Donc est-ce que vous souhaitiez, à travers cela, faire une certaine opposition des certains groupes sociaux? Non, pas du tout. En fait, au début, les manouches n'existaient pas. Lorsque j'ai écrit mon premier jet, les manouches n'existaient pas. Mais j'avais juste une histoire avec des manouches, mais qui n'étaient pas aussi présents. Et en fait, c'était juste pour me renseigner. Je voulais savoir comment on appelait les manouches. Est-ce qu'on est les romanichels? Est-ce qu'on dit les roms? Est-ce qu'on doit dire les tziganes? Comment ça s'écrit? Parce que aujourd'hui... Dès qu'on dit quelque chose, on se fait taper sur les doigts. Donc je voulais froisser personne et je me suis dit, bon, je veux savoir exactement ce qu'il en est, d'où, qui sont ces gens et comment on doit les appeler. Et j'ai retrouvé sur Internet une documentation formidable qui m'a permis d'étoffer toute l'histoire de ce peuple. J'ai donc pu en parler, j'ai donc pu faire l'historique de ce peuple dans mon livre parce que j'ai trouvé que cette histoire était formidable et donc ça m'a donné envie d'en écrire beaucoup plus. Donc ces manouches qui au début étaient dans mon histoire peu présents sont devenus vraiment une partie du moteur de mon histoire parce que je me suis renseignée sur eux, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, et je trouve qu'ils méritent vraiment qu'on leur fasse place, qu'on parle d'eux de manière un peu plus historique, pour qu'on sache vraiment qui ils sont. D'accord. Et nous verrons dans ce roman qu'il y a un des personnages principaux qui a un certain lien avec cette tribu manouche. Tout à fait. Mais vous le découvrirez en lisant l'ouvrage. Ensuite, vous l'avez dit en début d'émission, il y a une trentaine de personnages à peu près dans votre roman, mais il y a des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des personnages d'un certain âge, etc., etc. Donc pourquoi avoir eu envie d'écrire un roman avec autant de personnages? Eh bien, étant donné que j'avais... en fait, j'ai 6 intrigues qui se mêlent. Mm-hmm. Donc, je ne pouvais pas... chaque personnage avait besoin de son alter ego pour donner la réplique. Par exemple, Monsieur S, il a besoin de du policier. Les hommes de main de Monsieur S ont besoin de se donner la réplique. Donc, j'avais besoin de plusieurs personnages à chaque scène, mais qui ne soient pas les mêmes, bien sûr. Donc, sinon, ça aurait perdu le lecteur. Donc, j'ai dit, voilà, donc dans chaque scène, il y aura un personnage principal. Donc, dans la scène, dans les Hall One, il y aura toujours Anatole, les 4 autres membres du groupe et le producteur et les petites amies seront secondaires, tout en ayant leur rôle à jouer. Lorsque ce sera l'histoire de Brune, l'adolescente, donc... Il y aura un peu ses parents et les personnes qu'elle va rencontrer, mais ce sera surtout elle qui va être mise en avant. Les 2 enfants qui jouent dans la forêt, évidemment, il y a les parents, tout ça. Et les 2 enfants, bon là, évidemment, ils sont mis à peu près au même niveau d'égalité. Tous ces personnages donc ont besoin d'avoir quelqu'un pour faire avancer l'histoire. Donc je ne pouvais pas les laisser seuls, chacun dans leur histoire. J'avais donc besoin qu'ils aient un petit peu de répondants avec d'autres personnages. D'accord. Donc ça explique du coup pourquoi il y a autant de personnages. Mais comme vous le dites, on n'est pas perdu dans malgré qu'il y ait une trentaine de malgré le fait qu'il y ait une trentaine de personnages, on n'est pas du tout perdu dans l'intrigue. Et je trouve que c'est quand même un sacré boulot de ne pas perdre le lecteur avec tous ces personnages. Ensuite, dans ce roman, vous utilisez des mots assez complexes dont on ne connaît pas forcément le sens, surtout pour les titres des chansons du groupe d'Anatole. Donc pourquoi avoir fait ce choix d'utiliser des mots assez complexes, pas compliqués mais plutôt complexes? J'aime les mots. D'accord. au début, lorsque j'avais 20 ans, lorsque j'écrivais ces premiers romans qui n'ont pas trouvé, que je n'ai pas achevé, pour me donner de l'inspiration, j'aimais prendre un dictionnaire, ouvrir une page au hasard et trouver un mot. Alors, et je m'étais dit, voilà, pour écrire ta page aujourd'hui, tu vas trouver n'importe quel mot, tu vas faire n'importe quoi, mais tu vas le mettre dans le, tu vas le mettre dans ta, dans ton texte. Et j'ai gardé cette habitude de découvrir des mots et de faire en sorte de les utiliser ensuite quand le contexte s'y présente. D'accord. Donc j'ai eu envie de, et c'est justement ce petit clin d'œil à cette technique d'écriture que j'ai eu envie de la donner à Anatole, qui écrit ses titres de chansons de cette manière. Il cherche des mots un peu compliqués qu'il ne connaît pas lui-même et il s'amuse à écrire, il se laisse inspirer par ces mots nouveaux pour écrire des chansons. D'accord. Et justement, cette technique, du coup, enfin, ce procédé de mettre des mots plus ou moins compliqués dans l'ouvrage, est-ce que c'est que dans cet ouvrage Mélodie sans parole ou est-ce que dans vos autres ouvrages, il y a également ce système de mots un petit peu complexe ? Non, là, c'était vraiment parce que j'avais envie de m'amuser avec les mots. D'accord. Mais je fais en sorte que le lecteur ne soit pas perdu. Je fais en sorte qu'il apprenne la signification du mot dans le livre. Mmh. D'ailleurs, même si c'est des mots assez complexes, il y a un des personnages qui s'amuse à faire des petites blagues dessus pour histoire voilà, de dédramatiser. Ça, c'est David, c'est mon personnage un peu rigolo qui vient apporter un petit peu de joie dans mon histoire. Parce que sinon, je me suis dit, l'histoire va être vraiment, ça va vraiment plomber l'ambiance. Alors que je me suis dit, tiens, s'il y a un personnage qui est un petit peu rigolo dans l'histoire, ça va donner le sourire au lecteur. Oui, ça va alléger le poids de l'intrigue. Voilà, le côté dramatique. Voilà. Ensuite, dans ce roman, les personnages passent par plusieurs sentiments. Ils passent de la joie à la tristesse, en passant par la colère ou encore le doute. Pourquoi est-ce important pour vous que vos personnages passent par plusieurs émotions, par plusieurs sentiments ? Je pense que chaque être humain est ainsi fait dans la vie. Je pense qu'on ne se lève pas le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais être joyeux pendant 7 jours. » C'est pas possible. J'insuffle à mes personnages les mêmes émotions qu'on pourrait vivre quand on est réel. Quand on se lève le matin, bon, ben, on n'est pas toujours très frais. Après, tout d'un coup, ça va. On a écouté une chanson qui nous plaît à la radio. On se dit, ah ben tiens, on se met à chantonner et tout va bien. Et puis après, on se rend compte qu'on est en retard pour aller au travail. Et là, ça y est, c'est la panique, c'est la catastrophe, tout va mal. Et ce genre d'émotions, ça peuvent se succéder, s'enchaîner en 5 minutes. Donc, je ne pouvais pas laisser mes personnages toujours dans le doute, toujours dans la joie, toujours dans la tristesse. C'est impossible. Oui, donc vous faisiez ça, du coup, pour que les personnages soient le plus humains possible, du coup. Exactement. D'accord. Avant d'aller plus loin une nouvelle fois, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle pause musicale que vous avez choisie à nouveau, c'est vous qui avez choisi toutes les pauses musicales de cette émission, et que nous écoutions Michel Fugain avec le trio Esperanza, avec leur morceau intitulé « Aux femmes ». Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est sortie en 1996, c'est un morceau dans lequel on retrouve du français et du portugais. Le trio Esperanza est un groupe vocal brésilien composé des sœurs Correa, et c'est un titre tiré du 24e album de Michel Fugain, si on compte bien sûr les albums que le chanteur a sortis avec le Big Bazar, album intitulé « Petite fête entre amis », album sorti en 1996 également. Donc on écoute ce morceau de Michel Fugain avec le trio Esperanza, et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Guimoso. Encore debout depuis l'éternité des larmes, quand moi je suis presque à genoux. Toutes ces guerres à refaire chaque jour font le lit de ma nuit sans retour. Dis quel est le secret de ton âme, dis-moi, aux femmes. Amour, amour, amour, et tenir, tenir pour deux, pour que tu sèmes d'autres siècles dans mon ventre. Amour, amour, toi tu es le sel et moi la terre, il nous reste des hommes à faire. Toutes ces guerres à refaire, chaque jour, font le lit de ma nuit, sans retour, dis quel est le secret de ton âme, dis-moi, ô femme. Eras no meu ventre, amor, amor. Você é o sal, eu sou a terra. Nosso barro os homens geram. Femme, comment tiens-tu encore debout? Debout depuis l'éternité des larmes, quand moi je suis presque à genoux. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Et vous êtes de retour dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter Aux femmes de Michel Fugain avec le trio Esperanza et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Marianne Clojanson qui est là pour nous parler de son ouvrage Mélodie sans parole. Est-ce que vous passez un bon moment avec nous, Marianne? Ah, excellent. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, je pense que vous commencez à être habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette musique de Michel Fugain et du trio Esperanza? Eh bien, c'est la chanson qui m'a accompagnée pendant tout le temps de l'écriture de mon roman. Lorsque vous me posiez la question tout à l'heure de savoir quelle était cette mélodie sans parole, eh bien, pour moi, c'était cette chanson-là. Si Anatole a dû écrire une chanson, c'était probablement celle-là. Et je me suis dit, voilà, c'est ces paroles-là qu'il aurait écrites. D'accord. J'avais déjà posé cette question le mois dernier, lors de la précédente édition de À la rencontre d'auteurs. Donc, bien que vous en ayez parlé un petit peu dans cette émission, comment vous y preniez-vous pour écrire? Est-ce que vous aviez un cahier avec des notes et vous retranscriviez sur votre traitement de texte ou est-ce que vous aviez plusieurs pages internet d'ouvertes sur lesquelles vous vous appuyiez pour écrire? Tout simplement, comment faisiez-vous? Alors, je peux avoir l'inspiration à n'importe quel moment. Ça peut être en lisant un livre, en regardant un film, en regardant les informations, une conversation avec mes proches. N'importe quoi peut m'inspirer. Donc, j'ai toujours sous la main mon téléphone sur lequel je note une idée de ce qui pourrait être un roman ou au moins une scène. Et ensuite, quand je suis chez moi, donc j'ai un dossier qui contient toutes les idées de romans que je peux avoir envie d'écrire. Et ensuite, quand j'ai achevé l'écriture d'un roman, je me replonge dedans et je dis voilà, ben c'est celui-là qui m'inspire le plus. Et de là, je travaille pour avoir ma trame. Je travaille en profondeur. Alors quelquefois, je puise dans plusieurs fichiers pour travailler des personnages ou des situations. Et ensuite, l'idée, mon cerveau se met en mode cherchage de plans pendant une semaine environ. Et de là, j'arrive ensuite à travailler sur un nouveau livre. D'accord. Dans le roman Mélodie sans parole, vous utilisez un vocabulaire très cru, très virulent, parfois même injurieux. On ne va pas dire les mots présents dans le roman parce que c'est injurieux et puis du coup on n'est pas là, voilà, on est une radio, on n'a pas forcément le droit d'être injurieux, voilà, normal. On ne va pas les dire. Voilà, justement, mais vous utilisez ce vocabulaire dans ce roman, mais est-ce que c'est pour montrer et faire comprendre la difficulté de la vie des personnages ? Oui, tout à fait, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime dire des gros mots, pas du tout. J'interdis à mes enfants d'en prononcer. Et même des fois, lorsque je lâche les 5 lettres parce que j'ai fait tomber quelque chose, mes enfants me disent « Maman, faut pas dire de gros mots. » Donc non, dans la vie, je ne suis pas du tout quelqu'un comme ça. J'avais vraiment besoin d'utiliser certains mots pour définir des personnages. Notamment. Voilà, pour moi, la mentalité d'un personnage ne reflète pas toujours celle de l'auteur, de la personne qui l'a écrit. Donc, la misogynie de certaines personnes n'est. Non, je ne suis pas du tout comme ça dans la vie. N'est-ce pas, monsieur S ? D'ailleurs, vous savez d'où lui vient ce nom ? Non, mais j'ai peut-être une petite idée, mais je vous laisse le dire. Alors, moi, je suis très curieuse de savoir ce que pensent les gens qui ont lu mon livre, justement. Alors, à votre avis, pourquoi il s'appelle monsieur S ? Alors, personnellement, je connais, je pense que certains de nos auditrices ou certains de nos auditeurs connaissent cette expression quand quelqu'un dit, par exemple, c'est la S dans le sens c'est la M-M. Donc, je me suis dit, ça vient peut-être de là, c'est la M-E-R, etc. Non ? Non, pas du tout. Ok. Non, étant donné que Monsieur S, c'est l'antagoniste de l'histoire, je l'ai assimilé à un animal que je déteste, le serpent. Et le serpent, quel est le bruit qu'il fait ? C'est le sifflement qui fait. Et donc, quand vous entendez Monsieur S, vous entendez le « s » du serpent. D'accord, ok. Donc, Monsieur S, c'est le serpent de l'histoire, le méchant. Voilà. Voilà, l'antagoniste. Ok, donc j'étais totalement à côté de la plaque. C'est pas grave. Donc, justement, en parlant de Monsieur S, en lisant l'ouvrage, j'ai ressenti du dégoût et de la colère envers cette personne, enfin ce personnage, et envers ses sbires. Donc, j'imagine que c'était votre but de procurer cette sensation aux lectrices et aux lecteurs. Un peu, oui. C'est vrai que je ne peux pas rester insensible devant la manière dont il traite les femmes. Bien sûr. Bien sûr. Qui pourrait être insensible, j'ai envie de dire. Quand on a lu l'ouvrage... Quelqu'un qui veut se présenter à la présidence en ce moment et qui a écrit un livre auto-édité. Ok, d'accord, je vois. D'accord. Bon, on va passer ce point de vue politique, on n'est pas là pour ça. Voilà, parce que je ne suis pas là pour faire de la politique. Tout à fait, et puis nous non plus, donc voilà, ça tombe bien. Donc au chapitre 46, ce que nous allons appeler l'intrigue Laura semble prendre un nouveau tournant. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de faire toutes ces intrigues durant tout l'ouvrage ? Vu que vous aviez un plan, j'imagine que non, mais est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de vous perdre ? Non, pas vraiment. Parce que, comme j'avais mon plan, je savais toujours où je voulais aller. J'avais avant, en plus de mon plan, j'avais fait mes fiches personnages pour savoir qui était qui. Je remplis toujours un petit fichier Excel pour savoir comment ils s'appellent, quel est leur âge approximatif, leur enfance, qui sont leurs parents, quelle la situation de départ au moment du roman et ce vers quoi ils vont tendre, comment ils vont évoluer. Voilà, donc non, je ne suis jamais perdue dans mes romans. D'accord. Notamment du coup grâce au plan que vous faites. Oui, exactement. D'accord. Et ça me permet d'écrire beaucoup plus vite. Bien sûr, j'imagine. Au chapitre suivant, donc le chapitre 47, nous apprenons quelque chose de nouveau, cette fois-ci concernant Andrea. Je ne sais plus si on en parlait déjà au début de cet ouvrage, mais au pire des cas, c'est pas bien grave. Et donc, du coup, nous apprenons quelque chose de nouveau concernant Andrea. Nous avons l'impression que finalement, toutes les intrigues se rejoignent plus ou moins. Est-ce que c'était ce que vous souhaitiez faire ? Ah, complètement, oui. je ne pouvais pas écrire ce roman juste en écrivant six histoires qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Au contraire, pour moi, le point culminant, c'était de s'apercevoir qu'en fait, toutes ces personnes ont un point en commun. Mmh. D'accord. Au chapitre 49, nous en apprenons davantage sur cette fameuse Laura dont Anatole parle si souvent. Nous commençons à comprendre qui elle est et pourquoi ce dernier n'arrête pas de répéter son prénom. Donc nous avons l'impression que Anatole se sent coupable. Est-ce que c'était ce que vous souhaitiez faire comprendre ou est-ce que l'intention était tout autre ? Ah non, pas du tout, au contraire. On arrive quand même vers la fin du livre, on a dépassé la moitié. Donc le lecteur doit vraiment en savoir de plus en plus sans vraiment avoir levé le voile totalement sur l'intrigue du livre. Mais oui, on s'en approche. Oui, parce qu'on peut dire que ce roman, il a, je regarde, 81 chapitres, sans compter l'épilogue. Oui. Donc voilà, 80 chapitres, ça peut faire peur, peut-être, mais finalement, vu qu'ils sont très courts, c'est pas... Oui, ils sont très courts. Voilà, une page, deux pages maximum. Voilà, donc c'est pas énorme. Le livre fait même pas 300 pages, donc... Oui, 292. Donc du coup, dans ce roman, est-ce qu'il y a une certaine dimension « Méfiez-vous des apparences » ? Ah, tout à fait. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, ce parallèle que j'avais fait entre le monde de la prostitution et le monde des musiciens, c'est « vous voyez quelque chose, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ». Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Et puis c'était plutôt réussi, je trouvais, en lisant cet ouvrage. Et également, est-ce qu'il y a une dimension « méfiez-vous de tout le monde » en soulignant, voire en dénonçant ce que certains personnages seraient capables de faire ou pour un peu de renommée ou pour un peu d'argent ? Méfiez-vous de tout le monde, oui, enfin, pas vraiment tout le monde, mais méfiez-vous des personnes qui vous approchent avec un grand sourire, mais qui en réalité cachent quelque chose. Je tiens toujours cette phrase de Colombo qui dit « à qui profite le crime ?» mmh. Voilà, oui. Même s'il n'y a pas de crime, à qui ça va profiter ? Donc, vous êtes une célébrité, qu'est-ce qui va vous arriver ? Attention. Bien sûr, donc Colombo, donc interprété du coup par Peter Falk, fut un temps, donc je suis en train de taper son nom. Peter Falk, on salue la mémoire, car je crois qu'il est décédé, en 2011. Donc voilà, on salue la mémoire du coup de Peter Falk. J'aimais beaucoup. C'est vrai, c'était un très bon acteur, surtout dans Columbo, son plus grand rôle, j'ai envie de dire. Oui. Donc voilà. Il a joué dans d'autres rôles, mais on l'a surtout connu dans le rôle de Columbo, bien sûr. Bien sûr. Donc une nouvelle fois, avant de poursuivre cette émission littéraire, je vous propose de nous lancer à nouveau dans une pause musicale que vous avez choisie, le projet musical Playing for Change, avec leur morceau intitulé Stand By Me. La particularité de ce groupe, Playing for Change, est que c'est un projet musical multimédia qui met en scène des musiciens des quatre coins du monde pour diffuser un message de paix. Donc on écoute du coup Playing for Change avec leur titre Stand By Me et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo pour la suite de cette émission. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, stand by me. Oh, stand. not as long as you, yeah. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, dans l'émission À la rencontre des auteurs. Vous venez d'écouter Stand By Me de Playing for Change et vous êtes toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Marianne Clojanson qui est là pour nous parler de son ouvrage intitulé Mélodie sans parole. Tout est toujours bon pour vous ? Parfait. Parfait. Donc, on va reposer la même question que pour les précédentes pauses musicales, hein, voilà, l'habitude. Pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier ? Une de mes chansons préférées. Et la version originale, celle de Benny King, était vraiment très belle en elle-même. Ce que j'aime dans cette chanson, c'est la simplicité des paroles, la simplicité des mots qui sont utilisés. Si vous voulez, après une première année d'anglais, vous êtes capable de comprendre de quoi parle le chanteur. Et j'ai adoré cette reprise parce qu'il s'agit de chanteurs à qui on a demandé de chanter dans la rue. Ils ont déployé les moyens pour avoir du super matériel avec des micros pour qu'ils soient très très bien enregistrés avec une belle qualité. Et de par le monde, ils ont réussi donc à faire cet enregistrement. J'ai trouvé que c'était un projet formidable parce que les gens ne se rencontrent pas. C'est juste avec la magie de l'électronique qu'ils ont réussi à scinder tous les enregistrements les uns avec les autres pour arriver à faire cette musique et ils ont redonné une autre dimension parce qu'on entend des mélodies au violon, on entend des instruments qui ne sont pas là dans la version originale et en fait elle me fait un peu penser quelque part à mon roman parce que de la même manière vous avez des scènes qui se passent dans tous les sens dans tous les endroits de la France et de la même manière vous arrivez à recréer une histoire qui avec des gens qui ne se connaissent pas. D'accord, je vois. Donc nous allons reprendre le cours de cette émission, il nous reste encore un petit peu de temps. Donc souhaitez-vous montrer au travers de ce roman que quand nous sommes célèbres et que nous avons un agent, ici je pense à Sigismond, le sixième All One, nous ne sommes plus forcément maîtres de nos faits et gestes et que nous sommes en quelque sorte, et entre gros guillemets, j'insiste, esclaves de nos fans. oui et non. Oui parce que quelque part c'est le producteur qui impose à Anatole de trouver des paroles pour cette mélodie, sinon il refuse de la publier. Et oui et non, parce que quelque part, c'est quand même les artistes qui, par ce qui va les inspirer, vont être maîtres de leur œuvre. D'accord, je vois. Lors des chapitres concernant les tziganes, il y a les manouches, donc il y a un certain aspect historique. Donc, à travers cet aspect historique, est-ce que vous vouliez apprendre des choses aux lectrices et aux lecteurs ? Oui, moi j'aime bien découvrir des choses quand je lis des romans. J'aime bien, l'autre jour je lisais un livre de Douglas Preston et il expliquait en fait que la plupart des Amérindiens s'appelaient Bia. Mais en fait, Bia, c'est pas un nom de famille. Je ne m'en souviens plus maintenant, mais quand il avait expliqué, en fait, ça voulait dire en fait ne donne pas son nom. Et donc, en fait, l'abréviation donnait le mot « Bia ». Et du coup, la plupart des Amérindiens s'appellent « Bia ». Et du coup, j'ai trouvé que c'était formidable d'apprendre ce genre de choses dont on ne parle pas. Et je pense que c'est un peu la fonction d'un livre, d'apprendre des choses au lecteur, pas forcément des choses qu'il souhaite savoir, mais des choses qui vont aiguiser leur curiosité. D'accord. Dans le chapitre 60, après que le personnage de Brune ait eu ce qu'elle voulait, si je peux dire, nous avons vraiment l'impression d'avoir face à nous une véritable adolescente, ce qu'elle est, s'imaginant monts et merveilles avec les lieux de son cœur. Je suppose que c'était votre objectif de procurer aux lecteurs et aux lectrices vraiment cette sensation d'échanger, enfin discuter entre guillemets avec une ado. Comme je le disais tout à l'heure, oui, c'était un peu un fantasme d'être... l'égérie de mon idole. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quelque part, je me dis que c'est pas un monde que je recherche. Maintenant que je suis adulte, que j'ai un certain vécu, je me dis non, finalement, ces gens, je pense pas qu'ils doivent être heureux dans la vie. En tout cas pas du temps où ils sont célèbres, où on leur demande de faire autre chose que ce qu'ils aiment faire. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'ai envie de montrer à toutes ces adolescentes qui rêvent en secret de faire tomber amoureux d'elles leur idole, leur dire, attention, vous ne voyez que des paillettes, vous ne voyez pas qui se cache derrière le maquillage. Mmh, je vois, oui, donc est-ce qu'il y a un certain aspect, justement, un aspect prévention, un aspect préventif dans ce roman ? Préventif et informatif, oui. D'accord. Ensuite, je n'ai pas donné le nom du chapitre, comme ça les lectrices et les lecteurs devront le lire. Après le chapitre 60, on va dire, nous connaissons enfin le fameux de l'histoire concernant Anatole et Laura. Nous comprenons pourquoi Anatole paraît si froid, si distant, et pourquoi, même s'il est célèbre, il a beaucoup de mal avec sa célébrité. À noter que cette révélation arrive un certain nombre de pages avant la fin de l'ouvrage. Donc pourquoi avoir fait cette révélation si tardivement dans le livre ? Bah, parce que sinon, c'est plus intéressant, si je le dis tout de suite. C'est vrai. Ensuite, justement, j'allais vous demander, je vous ai posé la question juste avant, dans ma trame, j'ai marqué, y a-t-il une certaine volonté de mettre en garde les potentiels fans féminins, féminines, qui pourraient lire votre ouvrage, donc du coup, fans de peu importe quel artiste, donc du coup, préventif et informatif, comme vous l'avez dit. Donc du coup, on va, cette question, je n'ai pas la poser vu que je l'ai déjà posée. J'ai déjà répondu à la question, voilà. Il me semble. Oui, c'est pour ça. Ensuite, quand nous lisons les paroles de Brune, qui est donc c'est l'ado, du coup la groupie des All One, nous remarquons et ressentons toute la naïveté qui fait d'un adolescent ou d'une adolescente ce qu'il est ou ce qu'elle est. Là aussi, j'imagine que c'était une volonté, le vocabulaire utilisé. Oui, bien sûr. Moi-même, quand j'étais adolescente, j'étais complètement naïve. Je ne me rendais absolument pas compte de ce qui pouvait se passer dans le milieu du show business. Hein. Je le savais pas du tout. Donc, je me suis complètement replongée dans l'adolescente que j'ai été. J'ai imaginé une histoire. Bon, sans vouloir spoiler la fin, évidemment, avec ses joies et ses peines. Mmh. D'accord. Au chapitre, quelques chapitres du coup avant la fin de l'ouvrage, quand on connaît la situation d'Agnès, donc Agnès qui est la prostituée travaillant pour Monsieur S et qui est la mère d'Andrea, nous remarquons qu'il y a quand même la femme derrière ce statut, la mère affectée dès qu'on s'en prend à son enfant. Est-ce que justement c'était votre but dans ce chapitre de montrer davantage le côté femme et le côté maman plutôt que le côté du coup prostituée ? Là, c'est la mère qui parle en moi. D'accord. Je me dis, voilà, je serai certainement prête à me damner pour mes enfants. Jusqu'où est-ce que je pourrais aller ? Je ne sais pas si j'avais été Agnès, j'aurais été capable de faire tout ce qu'elle a fait, si j'avais pu surmonter tout ce qu'elle a subi. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de partir sur des personnages résilients. Et comment ces personnes arrivent à s'en sortir. Et c'est ce que je fais un peu dans tous mes romans. Et donc, Agnès, lorsqu'elle part avec les All One dans le but de se servir d'eux comme d'un taxi pour retrouver Andrea, est-ce que je serai moi-même capable de faire ça pour mes enfants ? D'accord. Donc voilà, la réponse est là. D'accord. Et tout au long de la lecture de ce roman, nous sentons une évolution dans les caractères de chaque personnage, surtout pour Anatole et Agnès, qui semblent prêts pour quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que c'est ce qui était espéré de faire une évolution, on va dire, chronologique dans l'ouvrage de certains personnages ? Oui, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, lorsque nous sommes nous-mêmes des vrais humains, nous ne sommes pas heureux pendant 7 jours, nous ne sommes pas tristes pendant 7 jours, nous avons tout au fil de la journée tout un panel d'émotions, donc évidemment mes personnages évoluent au cours du fil de la même manière que nous pouvons évoluer face à des situations. D'accord. Donc avant de vous faire part de mon avis sur cet ouvrage Mélodie sans parole, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle et dernière pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois je crois taper le micro, et que nous écoutions cette fois Janis Joplin et son titre Cosmic Blues. Comme pour les précédentes pauses musicales, je vais donner les références de cette chanson si jamais nos auditrices et nos auditeurs veulent en entendre davantage. Cette chanson est plutôt typée blues rock, rock psychédélique. Elle est sortie en 1969 et elle est tirée de l'album I Got Them All Cosmic Blues Again Mama de Janis Joplin. Album sorti le jeudi 11 septembre 1969. Il s'agit du premier album solo de Janis Joplin après qu'elle ait quitté son groupe. Donc on écoute Cosmic Blues de Janis Joplin et on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo d'ici un peu plus de 4 minutes. Cosmic Blues de Janis Joplin sur Radio Gemozo. Vous êtes donc de retour dans À la rencontre d'auteurs et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-France. Et nous sommes toujours accompagnés au téléphone de Marianne Clojanson qui est là pour nous parler de son roman Mélodie sans parole. Tout va toujours bien ? Parfaitement. Parfait. Donc, allez, dernière fois que je pose cette question pour aujourd'hui, pourquoi avoir choisi cette chanson de Janis Joplin ? Eh bien, cette chanteuse, elle fait partie des chanteurs qui œuvraient avant ma naissance. Cette chanson date des années 60, moi je suis née dans les années 70. J'ai connu Janis Joplin assez tard, vers 20 ans en fait. Et j'ai découvert toute une époque. Tout un mode de vie avec des chanteurs qu'on n'entend plus aujourd'hui et avec un style qui aujourd'hui pourrait passer pour vieillot. Mais alors moi, je trouve que cette chanson n'a pas pris une ride, qu'elle est toujours aussi belle. Sa voix est franchement formidable. Et la chanson, elle m'envoûte complètement. D'accord. Donc nous allons poursuivre cette émission et comme annoncé avant cette pause musicale, je vais vous faire mon petit retour sur cet ouvrage comme je le fais tous les mois dans mes émissions auteurs. Donc du coup, je trouve que cet ouvrage est vraiment très fort en intensité. Je ne vais pas vous mentir, à certains passages, je n'étais pas super bien pour les personnages en lisant leur situation, avec les différentes situations du coup. Dans ce roman, il y a une certaine notion d'injustice et il y a des personnages vraiment détestables. Voilà, petit clin d'œil à vous savez qui. L'envers du décor du show business, de la chanson, etc. Et je trouve bien retranscrit, nous imaginons ce que ça peut être et tout ce que les personnages peuvent endurer et tout ce que tous les personnages endurent. Colère, tristesse, joie, tous ces sentiments et toutes ces sensations sont bien présents dans ce roman. Mais à certains moments, c'est réservé à un public averti, je trouve. Donc un roman qui restera gravé dans les annales et qui nous fait une petite idée de l'envers du décor. Ne pas, comme vous l'avez dit pendant cette émission, qu'on voit qu'une seule face de la médaille, une seule face de l'iceberg. Voilà qu'il faut aussi se dire qu'il y a une autre face qui est cachée en dessous. Et donc ce roman est disponible un petit peu partout sur internet et peut-être dans certains magasins et centres commerciaux au prix de 20€ pour 288 pages d'intrigue. Voilà pour mon petit retour. Merci. Avec plaisir. Merci, je suis ravie qu'il vous ait plu. Avec plaisir, nous arrivons du coup bientôt à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé mais qui mériterait absolument d'être abordé sur ce roman Mélodie sans parole ? Eh bien, je crois que tout a été dit sauf la fin. Bien sûr. Donc, tout est parfait. Parfait. Si vous voulez, je peux dire la fin. Ah non. Ça, je la garde pour mes lecteurs, ça. D'accord. Quels sont vos projets futurs, si vous en avez ? Alors, je vais bientôt sortir. Alors là, je viens d'envoyer mon nouveau roman à mon éditeur. Donc là, j'ai hâte d'avoir la réponse pour savoir si oui ou non, s'il accepte. Pour me le publier, donc ce sera fait certainement pour l'année prochaine. Sinon, je vais publier des romans en auto-édité pour les enfants. Il y en a un qui va s'appeler « Quatre histoires de piscine » et l'autre qui va s'appeler « Me ». L'explication du titre est à l'intérieur du livre. D'accord. Voilà. Sinon, je viens dimanche prochain, je vais être en séance de dédicace à Saint-Victoré, dans les Bouches-du-Rhône. Donc, toutes les personnes qui sont là-bas, n'hésitez pas à venir me voir pour me parler de mon roman. Et puis, vous pourrez découvrir mon univers littéraire. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Donc, dimanche prochain, parce que là, on ne va pas le cacher à nos auditeurs, nous ne sommes pas en direct, nous sommes en enregistrement, nous enregistrons cette émission le mercredi 20 octobre 2021. Donc du coup, quand vous dites dimanche prochain, c'est le 24 octobre, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait. Ok, nos auditrices et auditeurs pourront venir vous voir, si on a du Bouches-du-Rhône, pour venir vous voir, vu que cette émission sera diffusée du coup samedi le 23. Donc voilà. La veille, donc vous pourrez venir me voir demain. Tout à fait. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Eh bien, écoutez, avant de vous quitter, j'ai envie de vous remercier de votre gentillesse, de votre patience, d'avoir bien voulu lire mon livre et puis de vouloir le présenter. Voilà, moi, j'avais hâte d'avoir votre verdict et j'ai découvert que vous l'avez adoré. Donc, écoutez, pour moi, c'est pari tenu. Donc, j'ai réussi à plaire à un nouveau lecteur. Donc, si vous le souhaitez, si l'année prochaine je publie mon roman, ce sera avec plaisir que je vous l'enverrai et on pourra encore en discuter. Bien sûr, j'ai pas encore fait mon programme niveau auteur pour l'année prochaine, vu que je compte poursuivre du coup cette émission. Là, c'est la deuxième édition, c'est la deuxième année que je fais ça. Donc l'année prochaine, je pense la poursuivre. J'ai pas encore fait mon programme, mais je pourrais vous contacter d'ici là. Pourquoi pas, ça pourrait être très, très intéressant. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, Marianne, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs, dans laquelle je recevrai un romancier, par téléphone certainement, Loïc Veillet-Lavallée, qui sera là pour nous parler de son ouvrage Le Grand Saut. Donc, et puis bien sûr, on se retrouve comme tous les jours, du lundi au jeudi, de 14h à 15h pour Fréquence Libre. Voilà mon autre programme que je propose ici à Radio Gémozo. Donc voilà, merci encore Marianne d'avoir accepté et d'avoir répondu du coup présente pour cette émission. Et du coup, je vous dis à très bientôt et à très bien. Et puis du coup, à lundi pour nos auditrices et auditeurs. Au revoir tout le monde. Au revoir.